projeté. Mon Dieu, que tu fais ces grosses impressions sur mon Mac. Sur ton Mac, sur ton Mac. Oh non, là je me dors. Ça alors, c'est trop fort. Non, vraiment, c'est trop marrant. Qu'est-ce que tu trouves si marrant? Qu'est-ce qu'un homme peut faire de toi? Ce qu'un homme peut faire de moi? Il n'est pas né, celui qui aimera cette traînée. C'est ce que nous allons voir. Oui, c'est ce qu'on va bien voir. C'est ce que nous allons voir. Oui, c'est ce qu'on va bien voir. Toi-même. Oui, c'est moi qui fais si grosse impression sur mon Mac. Sur ton Mac, sur ton Mac. Ah non, là je me dors. Ça alors c'est trop fort. Non, vraiment c'est trop marrant. Qu'est-ce que tu trouves si marrant? Qu'est-ce qu'un homme peut faire de toi? Ce qu'un homme peut faire de moi? Oh, regardez ça, un vieux vicieux n'en voudrait pas. C'est ce que nous allons voir. Oui, c'est ce qu'on va bien voir. C'est ce que nous allons voir. Oui, c'est ce qu'on va bien voir. Admirable ici. Ah, si, si. Naturellement, j'avais un peu pitié d'elle, c'est pourquoi je n'ai pas pu traiter cette créature comme elle le méritait. Dis-moi, au début, tu croyais qu'il y avait du vrai dans ce qu'elle disait, hein? Est-ce que je me trompe? Oui, je le croyais, chérie. Et s'il y avait un mot de vrai dans ce qu'elle disait, sa mère ne m'aurait pas mis dans cette situation, hein? Tu as vu comme elle s'est déchaînée contre moi? Une mère ne traitera jamais un gendre de cette manière, un séducteur, à la rigueur, mais pas un gendre. Oh, comme je suis heureuse, si tu le dis du fond du cœur. Oh, Marc, je t'aime tant que j'aimerais mieux te voir pendu que dans les bras d'une autre. N'est-ce pas étrange? Lucie, c'est à toi que j'aimerais te voir la vie. C'est merveilleux de t'entendre dire ça. Répète-le-moi. Lucie, c'est à toi que j'aimerais te voir la vie. Ah. Oh, est-ce que je pourrais fuir avec toi? Eh bien, vois-tu, si nous fuyons ensemble, nous aurons du mal à nous cacher, mais dès que les recherches auront cessé, je te ferai appeler, tu peux te suivre. Oh, comment puis-je t'aider? Va me chercher ma canne et mon chapeau. Oui. Lucie, le fruit de notre amour que tu portes dans ton sein nous unira pour l'éternité. Réponds-moi. C'est ton Jackie qui te parle. Mac, je t'en supplie, réponds-moi, je ne peux plus supporter ton silence, Mac. Mac. Mac! Quoi, il est parti? Dieu soit loué! Je t'appelle Pichou! Je viens chercher les 40 livres de prime pour la capture du bandit Mati! Hé non, c'est monsieur Mati! Ah bon? L'autre monsieur est sans doute allé faire un petit tour. Je viens ici et qu'est-ce que je trouve? Monsieur Brown. Tiger Brown est dans la cellule. Et son ami Mackie n'est pas dans la cellule. Alors, ce monsieur Pichon, c'est pas ma faute. Mais bien sûr, quelle idée! Vous n'auriez tout de même pas vous-même, hein, alors que ça va vous placer dans une situation si délicate. Non, mais c'est impossible, Brown. Monsieur Pichon, je suis hors de moi. Ça, je vous crois sans peine. Vous devez vous sentir affreusement mal. Oh là là. Oh. Ah, c'est ce sentiment d'impuissance qui vous paralyse. C'est ces types-là dans le fond qui a leur tête. C'est terrible, terrible. Vous ne voulez pas vous étendre un peu? Ah si. Vous n'avez qu'à fermer les yeux et faire comme si rien ne s'était passé. Imaginez que vous êtes dans une jolie prairie verte et que vous voyez passer de beaux nuages blancs. L'essentiel, voyez-vous, est de vous ôter ces horribles choses de l'esprit. Celles qui sont passées et celles qui restent encore à venir. Que voulez-vous dire? Ça, vous vous comportez admirablement. À votre place, moi, je serais complètement effondré. Je me traînerais dans mon lit et je boirais du thé brûlant. Et surtout, je m'arrangerais pour que quelqu'un me pose une main fraîche sur le front. Mais enfin, je n'y peux rien si ce type s'est échappé, hein? La police n'y peut absolument rien. La police n'y peut rien? Vous ne croyez donc pas que nous reverrons M. Mackie au cellier? Ou alors, dans ce cas, le sort qui vous attend est d'une injustice criante. Ben, naturellement. On va encore dire que la police n'aurait pas dû le laisser s'échapper. Ouais, eh bien, ce fastueux cortège du couronnement, moi, je ne le vois pas venir. Comment? Qu'entendez-vous par là? Permettez-moi de vous rappeler un événement historique qui, bien qu'il ait eu, on s'entend, en l'an 1400 avant notre ère, un énorme retentissement, est maintenant ignoré du grand public. À la mort du roi égyptien Ramsès II, le préfet de police de Ninive, ou du Caire, enfin peu importe, se rendit coupable d'une vétille à l'égard des couches inférieures de la population. À cette époque déjà, les conséquences en furent désastreuses. Le cortège du couronnement de la princesse héritière Sémiramis fut l'occasion, ainsi que les chroniques le rapportent textuellement, d'une série de catastrophes provoquées par la participation un peu trop active des couches inférieures de la population. Les historiens ne peuvent taire leur indignation au récit du traitement que Sémiramis fit subir à son préfet de police. Je n'en ai gardé qu'un souvenir très imprécis, mais il est question, entre autres, de serpents qu'elle faisait nourrir dans le sein du malheureux. Ah oui, vraiment des serpents. Le Seigneur soit avec vous. Maintenant, seules des mesures draconiennes peuvent encore me sauver. Sergent, en conférence, seul.